Alors ici, c'est ton salon ? Oui, mon salon, salle à manger. Comment tu vas l'aménager ? En face, tu vois, il y a une belle cheminée. Je vais l'utiliser. Donc, devant la cheminée, je mets mon canapé rouge et mes deux fauteuils noirs. Tu ne mets pas une petite table ? Si, entre la cheminée et le canapé. Et ta grande télé ? Je la mets à gauche de la cheminée. Puis, sur le mur à gauche, je mets ma bibliothèque. Et le coin salle à manger ? Là, à droite, après la porte, le long du mur, je place mon buffet et devant, une table ronde et des chaises. Tu vas peindre les murs ? Oui, le mur de la cheminée en gris et les autres murs en blanc. Puis, sur le mur, à droite, je mets mon tableau de Venise et sur la cheminée, mon grand miroir.